Diarrhée Verbale innove. Le succès de la Diarrhée Verbale n'a pas très bien marché ces temps-ci, nous reprenons certains titres pour pouvoir les faire à notre sauce. La sauce Diarrhée Verbale, une sauce blanche, bien à nous. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garcon. Garocon, ma fille, garocon. Garocon, garocon, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait garcon. Garocon, ma fille, garocon. Garocon, garocon, qui perdent leur cédille. Didi-dom, didi-dom, didi-dom. Sans oublier leur superbe tube de Claude François, Alexandrie, Alexandra. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, Alexandra. Je parlais tout le mille si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, Alexandra. Je parlais tout le mille si tu ne me retiens pas. Je suis pire que Barakuda. Barracuda.